Et maintenant, voici la deuxième partie de La Cave, épisode 10. Ben moi, je me suis fait contacter beaucoup par la suite de Pop Gun. Oui. Puis ça a tout en chier. OK. Mais je me suis fait au moins offrir 5-6 offres. Facilement. C'est pas plus. Mm-hmm. Puis ça a tout le temps chier. Je pense que je suis pas quelqu'un de mainstream. Puis je serai jamais quelqu'un de mainstream. Fait que me faire approcher par un scénariste que je connais pas. Mm-hmm. Puis faire un scénario que je ne connais pas non plus, ben là, ça, dans ce temps-là, t'as plus besoin d'un exécutant, de quelqu'un qui va réussir à se l'approprier puis bien présenter ça d'une manière professionnelle. Moi, ça a tout le temps fait partie de moi un peu le côté sketchy. Oui. Fait que ça, les éditeurs voient ça, puis à la place de voir comme un trait de personnalité, ils voient ça comme quelque chose de pas fini. T'sais. Oui. Puis le pire, c'est que je suis pas en merde de ça, pas en tout. Au contraire, ça m'a comme aidé à comprendre, genre, qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Ouais. Sûrement dans ces situations-là, tu te serais retrouvé à travailler à distance. C'est ça. Mais puis aussi, tu sais, comme ça m'a aidé à comprendre que je ferais jamais un 22 pages par mois pour Marvel. Ouais. Je ferais jamais Spider-Man. Je ferais jamais. Mm-hmm. Puis c'est correct. C'est juste qu'à l'époque, tu te le demandes. Tu fais comme, je veux faire de la BD, je veux gagner avec ça. Ouais. Tu vas dans toutes les avenues, puis. À force de te faire refuser, puis moi j'étais fier du travail que je faisais, mm-hmm. J'étais comme, ok, dans le fond, ils me refusent pas à cause que je suis pas bon. Ils me refusent à cause que ça fit. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ça qu'ils veulent. Ouais. C'est pas ce que toi t'aurais voulu. Exactement. Puis là après ça, c'est quand tu découvres des artistes comme Jimmy Beaulieu, qui a tellement une identité propre à lui, ben là tu fais comme, ben c'est ça, ok. Évidemment, je veux pas faire du Jimmy Beaulieu. Ouais. Mais c'est pour dire que c'est ça, sa force. Mm. C'est que, tu sais, puis Jimmy non plus, il fera jamais du Spider-Man à toi c'est et ça, moi. Mais tu vois une planche de Jimmy ou une illustration de Jimmy, tu sais exactement c'est lui. Peu importe le médium qu'il utilise, que ce soit des crayons de bois ou même là, si t'en sais, t'es gosse sur une petite application avec sa tablette. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis on le voit tout de suite que c'est lui. Genre, c'est. Tu sais. Ouais. Puis ça, moi, c'est ça que j'ai envie d'être. Ouais, genre parce que tu disais il y a quelques années qu'avec New City Choir, tu n'avais pas vraiment ton identité propre visuelle. Ouais. Puis j'imagine qu'à 16 ans, tout ton rêve, ton but, c'était de faire des 22 pages, faire des Spider-Man. Ben oui, c'est clair. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que c'est encore, tu sais, Marvel m'appelle demain. Là. Ouais. Puis ils font que, hey, on a vu ton travail, on veut t'engager. C'est sûr que je l'essaye, c'est sûr. Je suis pas en train de dire que je crache là-dessus. Mais c'est juste que, en formant ton identité, à un moment donné, tes buts, puis tes objectifs deviennent de plus en plus clairs. Oui. Puis ça fait plus vraiment partie de mes objectifs. Mm-hmm. Mais watch out, qu'est-ce qui s'en vient, alors? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis nous deux, c'est ça qui est drôle, c'est que nous deux aussi, là, on, dans notre méthode de travail, mais aussi dans comment on livre maintenant nos BD, oui. C'est une identité propre. Là, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais... Oui. T'sais, une de nos dernières BD, on dirait que c'est faite par une personne. On dirait que c'est faite par un auteur. Puis pourtant, c'est deux personnes. T'sais. Mais c'est tellement fusionné que... Symbiose. Ouais. Fait que ça, c'est... Tu voulais-tu rajouter quelque chose sur Pop Gun? Ouais, ben c'est ça. Comme on l'a dit tantôt, le volume 3 et le volume 4 ont gagné les prix Harvey et... Eisner, c'est comme l'équivalent d'un Oscar. OK. Puis Shuster... Harvey. C'est comme l'équivalent d'un Golden Globe. OK. Genre. Vraiment? Ouais, genre. OK. Puis comme tu avais mentionné, pour le volume 4 aussi, en raison de ça, on s'est fait inviter au Comic-Con de San Diego, la MEC, carrément, en tant qu'artiste professionnel. Malheureusement, Pop Gun n'avait pas leur table, c'était seulement sur la table d'Image Comics, fait qu'on pouvait pas aller derrière la table, mais c'était vraiment une expérience assez forte. Là. Mais c'est ça, comme toi tu disais, l'année d'avant, Pop Gun avait sa propre table et les artistes pouvaient dédicacer. Ouais. Et il y a une photo de moi que j'ai délitée de Facebook. Ah, c'est encore... Où je suis derrière la table et c'est Véro qui m'a pris en photo. Ouais. Et la face que je fais, ben, C'est vraiment un petit enfant de 7 ans qui réalise ses rêves. Ben, c'est bon, ça. J'ai de la lumière dans les yeux, mais je suis comme cross-eyed un peu. Là. J'ai l'air d'un mongol. Un mongol heureux. Là. Imbécile et heureux. Là. Mais tu sais, quand tu dis dans ta checklist d'objectifs professionnels, se ramasser derrière une table à San Diego à faire des dessins pour du monde, c'est de big shit. Là. C'est une des grosses affaires. Puis ça fait depuis que j'ai 7 ans là, que je rêve de ça. Là. Ouais. Fait que de le faire, c'était quand même intense. Ouais. Pour la deuxième année, on est allé, en fait, avec ma première autopublication. Oui, oui. Fait que oui, on était comme semi-invité par Image, même si c'est nous autres qui payaient notre billet, mais on était quand même, on payait pas l'entrée parce qu'on était considéré comme professionnel vu qu'on avait publié ça. Oui. Et, c'est comme un maudit beau privilège. Crissement, man. Hey, ça coûte 80$ par jour, genre, je pense, aller là. C'est fou. Là. Puis moi, en même temps, c'est ça, j'avais auto-publié un recueil personnel. Un recueil personnel qui s'appelle Holy Right. Qui est très volumineux. Ouais, c'est quelque chose comme 88 pages, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Et ça comprend en fait plein d'histoires qu'on a publiées ensemble dans le front. Oui. Dans Pop Gun également. Oui. Cette fois-ci en noir et blanc. Oui. Et les deux histoires du front que j'ai traduites, parce que c'est une publication américaine que tu avais. C'est ça. Essentiellement, au début, tu l'as fait pour le Comic-Con. Ouais, je l'ai fait comme... C'était comme mon... À la place de laisser une carte de visite, c'était comme je laissais une BD. Ouais. Fait que je donnais ça à tous les éditeurs. C'est ça aussi que tu t'attendais à ce que Pop Gun ait la table puis que tu puisses en vendre. Exact. Ouais. Ça, malheureusement, ça a chié. Ouais. Mais c'est pas grave. T'sais, écoute, on s'en revirait vite. Mm-hmm. Puis on a fait une histoire originale aussi. Oui. Et pour moi, celle-là est très importante. Parce que... on a essayé quelque chose d'autre avec cette histoire-là. Ouais. Puis pour moi, on a appris énormément de cette histoire-là. Ouais. Je te dirais pas parce que c'est un autre style, mais je sens qu'on a respectivement... On a quand même fait des erreurs assez... qu'on n'avait pas fait les BD avant. Là. Exact. Par exemple, moi, encore une fois, j'ai mis beaucoup trop sans expliquer. Puis même, on a de la misère à suivre. Toi, d'autres choses que... Bon, là, je te mets à nu, là. Je sais pas si t'es à... Non, vas-y, vas-y. C'est ça, de carrément reprendre le même personnage, puis de le découper, puis de le mettre dans d'autres cases. Ouais. Puis ça, c'était aussi moi qu'on monte un personnage, puis on le tue de suite après, fait qu'il est passé en une case, là. Ouais. C'est une BD de quoi? Une vingtaine de pages, peut-être? Pas moins que ça. 15, genre? Ouais. Puis je me rappelle, j'ai fait ça en dedans d'une semaine. Là. Ouais. Sauf que ce qui est intéressant de tout ça, c'est qu'on venait de faire les deux histoires pour Pop Gun. Oui. Puis les deux concepts de Pop Gun, c'est des micro-histoires. T'sais. Mm-hmm. Ça pourrait quasiment. Tu sais, c'est même pas des short films, ça pourrait quasiment plus s'apparenter à une pub. Là, t'sais. Dans le sens de la structure. Ouais. C'est vraiment genre. C'est en ligne directrice, il y a un petit punch. C'est fini. Il n'y a pas vraiment de développement de personnage ou de... T'sais. Puis je pense qu'on était confiants tous les deux, puis on était comme, OK, on est rendu ailleurs, on essaie de faire un autre truc plus développé. On a souvent fait ça, toujours explorer ailleurs, puis s'amuser, puis essayer dans d'autres terrains. Là, c'est vraiment le style beaucoup plus manga, beaucoup plus grand public, voire jeunesse. Ouais. Ce qui est aucunement péjoratif, même si c'est très... c'est dur à écrire pour ça. Ouais. Fait que c'est tous les éléments qu'on pensait qu'on tripait, qui nous font triper. Mais avec du recul, moi, je suis un petit peu amer de ça. Je suis content, moi aussi, mais... C'est une des histoires que j'aime le moins. Ouais. Parce que... On aimait plus le concept que le résultat, je pense. C'est ça, puis c'est trop, ben trop big pour ce que c'est. Ouais. Puis du côté aussi visuel, ça a été vraiment rushé. Mm-hmm. Puis en plus, dans le petit collectif, en passant, la BD s'appelle Holy Right, la première autopublication. Oui, et en fait, le segment vidéo que tu parlais tantôt, que tu avais l'air de 8 ans comparé à aujourd'hui, fait par les Mystérieux Étonnants, c'était pour ça. C'est ça. Alors, on va essayer de vous mettre un petit lien pour regarder ça. Sans ça, là, j'aurais jamais rencontré les Mystérieux. Oui, ben... Ben, en tout cas, on s'aurait croisé, mais on ne s'aurait pas parlé parce que c'est à cause de tout ça qu'on s'est parlé. Parce qu'il y avait plein d'autres artistes à la galerie, mais là, ils ont fait « Hey, il paraît que t'as sorti une BD à cause qu'il y avait le Bagman dedans et que Johan des Mystérieux, je voulais y offrir une copie. » J'y avais offert une copie. Fait que quand il m'a vu, il a fait « Hey, parle donc de ta BD là, que t'as faite. » OK, fait que c'est Johan qui t'a introduit. Et c'est à cause de ça qu'on a jasé. On a eu une petite entrevue de peut-être une demi-heure, même pas. Puis on s'est ramassé à la bière après. Pis, Entrevue que t'as faite avec le phare à côté. Exactement. Et Chris, c'est fucked up, mais... T'as affiché tes couleurs dès le départ. C'est ça. 5 ans plus tard, on a fait un spécial live des Mystérieux Étonnants devant public. C'est ça, mais si... Si c'était pas à cause de ça, je veux dire, graffiti dans le milieu de la BD, vous seriez rencontré. Oui, mais c'est juste, je trouve ça beau de savoir que c'est à cause de ma première autopublication, à cause de Bagman, à cause de, tu sais, quand tu fais les liens, tu vois que c'est la théorie du chaos, là, mais bref, l'histoire qu'on a faite plus comme pour Kid, c'est elle qui fait le moins aussi. Oui. Puis c'est elle que j'aime le moins dans tout ce qu'on a fait. Ça peut arriver qu'on a des petites des murs comme ça. Mais... Ben oui. Ah ouais. Puis c'est pas grave. Ouais. C'est justement pour ça que je la trouve importante, parce que c'est à partir de là qu'on a appris. Oui. Parce qu'on disait tantôt de finir nos histoires pour passer à d'autres projets. Exact. Ouais. Puis même aussi, Hoodwright, c'est quand même comme format vraiment gros magazine. C'est quand même plus gros qu'un comic book standard, fait que c'est moins... Je veux dire, on peut pas en mettre 3 côte à côte sur la table d'exposition, je pense. Non, fait que c'est un format qui est un peu grossier. Là, ouais. Si je peux dire. Ben, c'est format revu, là. Ouais. Je veux dire, même dans l'univers du comic book, ce format-là. Il existe pas. Ouais. C'est extrêmement rare. OK. Honnêtement, c'est à cause d'une BD d'encore une fois Ashley Wood qui était faite dans ce format-là. Ah, OK. Que j'ai voulu le faire. Puis aussi, j'étais comme, si ça se ramasse dans l'étagère, on va le voir dépasser parce que c'est plus gros que tous les autres comics. Fait... C'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, oui. On a déjà vu sur pellicule numérique, si je peux m'exprimer en guillemets, on a vu Holy Riot avec Marc Labrèche dans le même chat. C'est vrai, man! dans l'émission Les Bobos, ouais, c'est ça? Qui est pas très bon, mais en tout cas... Ils sont allés filmer un segment au magasin de disques indépendant Sound Central, près de Montréal, que je vous conseille d'aller faire un tour. Ouais. Puis moi, ça fait quand même quelques années que j'y vais, puis juste pour le fun, comme ça, j'étais content pour partager ça avec le propriétaire qui m'a fait découvrir plein de musique au cours des années. Moi, j'ai dit « Ah, t'aimes-tu la BD? » Puis j'ai ça, puis il a comme fait « Ouais, pas vraiment. » C'était un peu malaisant, mais... Fait qu'elle traînait là longtemps, puis quand ils ont fait les bobos, ben c'était là. Fait que c'était tant mieux. Puis l'autre chose intéressante pour le Comic-Con, il y a une soirée que, c'est ça, on arrivait... Toi, tu l'as vécu quand même quelques reprises. Moi, c'est la première fois que j'allais... un gros voyage comme ça. Puis le soir, après les heures de convention, tout le monde allait boire des rum and coke, genre dans le lobby de l'hôtel, tout le monde se retrouvait là. Fait que toi, tu m'as lancé un défi extérieur, puis c'était d'aller donner une copie de Holy Riot. Ouais. À qui? À Steve Niles. Steve Niles, qui est... L'auteur de 30 Days of Night, entre autres. Beaucoup d'autres choses, Criminal Macabre. Fait que c'était tout un défi, parce que moi j'ai pas ton aspect d'approche sociale ou puis en même temps c'est pas nécessairement le temps de dire de m'en donner des cartes ou donner des BD. C'est un peu maladroit, mais finalement j'ai réussi. Chris, t'as réussi. Haut la main là. Puis le pire, c'est que je l'ai joué comme... Tout le monde parlait, puis lui, il parlait plus de musique, je sais pas s'il y a un band ou quelque chose de même. Puis finalement, il fait juste mentionner, pas dire ce qu'il fait, puis « Ah ouais! » Fait que là, je dis « Ah ouais, t'es de la BD aussi? » Bon, ben, tu prends ça, j'ai ça. Exact. Ça tente, OK. T'as simulé le newbie qui était plus intéressé par la musique. Je connaissais pas le gars, là. C'est ça, exactement. Fait, ça, bizarrement, c'est weird, mais ça met en confiance, ça, tu sais. Il fait comme « OK, dans le fond, il est pas en train de me... » d'essayer de me sucer la graine, il veut juste comme chiller puis être cool. Ouais, puis le pire, c'était un intérêt intègre là, par rapport à ce qu'il disait pour la musique. Là. Ben ouais. Fait que c'est très drôle. Fait que tu sais, bizarrement, man, cette BD-là, ça a servi à quoi? Ça nous a ouvert des portes, ça nous a fait voyager, ça nous a fait rencontrer du monde. Puis il y a des Japonais qui avaient acheté ta BD aussi. Oui, hostie, je me rappelais plus de ça, les Japonais les plus cool au monde, man. On aurait dit qu'ils étaient sortis direct de Devil May Cry ou de No More Heroes, man. C'était des Japonais punk rock, badass, qui fumaient une clope. Puis je me rappelle pas pourquoi. Je pense qu'on est à l'extérieur, puis on les a juste aperçus de loin, puis shit, ils ont ça dans les mains. Puis... C'est ça, ouais. Parce que ce qu'il faut dire, Comic-Con San Diego, c'est gigantesque, là, ça n'a même pas de bon sens. C'est 500 000 personnes en une fin de semaine. Ouais. 500 000 personnes, 20 millions. Autant, pour n'importe qui, à un moment donné, tu as besoin de break. Il faut que tu sortes dehors. Ça qui est bien, c'est que tu as carrément l'inverse. Tu sors dehors, tu as l'espèce de marida, c'est super paisible, tu n'as pas de son chaotique environnant. Ouais. Fait que c'est ça, on est sorti puis on a vu ça puis Mais ouais, je me rappelais pas de ça, man. Je me rappelais pas de ça pendant tout ce que c'est. Fait que good times. Fait que ça c'est pour Holy Right, c'est sold out, j'en ferai plus jamais réimprimer. Puis si jamais je refais de quoi de parce que moi je voulais faire une série de ça, je voulais comme à chaque 5 ans comme m'auto-publier un truc. Et inviter d'autres artistes aussi, peut-être? C'est ça. Le but, c'était de créer une espèce de magazine de BD. Écoute, j'ai toujours pas lâché l'idée, mais ça s'est fusionné tellement avec d'autres choses que, en tout cas, on verra. Regarde, je mets jamais une croix sur rien, mais présentement, c'est pas ça qui est au focus, mettons. Ouais. Mais ça nous a mené vers plein de d'aventures incroyables. Oui, je pense qu'après, ça c'est 2010 plus... Ça, c'est pas 2010. C'est non, c'est 2010. Ça, oui, c'est drette 2010. Okay. Ça, c'est drette. Fait que, ouais. C'est ça, je pense que t'es arrivé assez rapidement. Il y a eu le Front 3, Pop Gun 4. Puis ça, tu l'as fait après, dans le fond, pour l'automne. Exactement. Ouais. Parce que là, c'est ça, man. Check, on a commencé à dire 2005-2006. Tu sais, en 5 ans, man, on a produit en tabarnak. Ouais, ça a l'air pas beaucoup, mais quand même. Ouais. Non, ça arrêtait pas, là. Fait que. L'affaire après, c'est quoi qu'on a fait? Si je me rappelle bien, en fait, ça s'est pas fait. On a essayé à deux reprises un concours qui n'existe plus maintenant, je crois. C'était par Glénat Québec et Hachette Canada. Et en fait, c'était des thèmes très, très typiquement québécois, comme l'hiver, les contes et légendes, forêt et bûcheron, tout ça. Ouais, le hockey. La pêche. Qu'on n'a pas fait. Fait qu'on s'est essayé à deux reprises. Trois? Oui, parce qu'il y a une année qu'on lisait Bakuman et qu'on était craqués comme le Chris. Et moi, j'ai décidé qu'on soumettait deux projets. OK, oui, trois dans ce sens-là. Okay. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que la première fois, ben, c'était celle-là. C'est la première année où on a soumis deux projets parce que c'était indiqué qu'il n'y avait pas de limite. On pouvait faire ça. Les projets allaient être évalués de façon anonyme. Ouais. Fait que là, c'est ça. Sur le thème de la pêche. Puis moi, c'est dans un tiroir, mais je trouve ça très, très, très bien. Ce que tu avais le premier. Là. Puis c'était des cours d'histoire de 6 planches. Ouais. Avec page couverture. Ouais. Ça, c'est un autre projet qu'il faudrait sortir des limites parce qu'à ce jour. Puis, hey! Ouais. On oublie beaucoup. Là. Ces planches ont été approuvées avec grand cœur par Michel Falardeau. Et d'ailleurs, on a oublié. Salut Michel. Hey, salut Michel, man. On a oublié. Quand on parle de nous, on oublie le monde. Eh hey, oui, man, c'est fucked up. Moi, dans ma tête, il y a juste nous autres qui existent présentement. Tout le reste du monde est superflu. Mais encore à ce jour, justement, Michel, il trouve que c'est dans mon meilleur stock que j'ai fait ces deux pages-là parce que j'ai essayé un autre style complètement différent. Puis beaucoup plus cartoon, mais en même temps qui s'apparente plus un peu à l'animation. C'est-à-dire que les backgrounds étaient peints, mais les personnages étaient très 2D. Ils ressortaient beaucoup. Ouais, fait qu'ils popaient. Ouais. Puis j'étais fier de tes dialogues, mais de la. Je trouvais que les personnages avaient beaucoup de personnalité. Oui. Pour. Tu sais, c'est rare, même en deux pages, que tu as tout de suite l'impression que tu les connais. Puis ça de savoir c'est qui comme en deux échanges. Là, Puis c'était aussi quelque chose qui était rare, c'est que c'était un gars et une fille qui étaient seulement des amis. Puis pense-y, man, c'est rare qu'il n'y ait pas genre comme une tension romantique ou quelque chose, genre. Puis c'était pas dans notre objectif pantoute qu'ils finissent ensemble, au contraire, là, c'était vraiment des chums. Là. Ouais. En fait, c'était deux jeunes adultes qui début sont... Début vingtaine, genre. Ouais, qui se perdent en forêt, ils ont un pépin de voiture, fait qu'ils doivent marcher pour trouver de l'aide. Puis c'est ça, dans la thématique de la pêche, c'est ils tombent sur un vieux pêcheur qui manque un bras, puis que finalement lui il dit OK, venez passer la nuit, mais en échange vous devez faire quelque chose pour moi, puis finalement fait qu'il fallait qu'il aille pêcher la grosse bépite marine qui a bouffé le bras, mais ça a pas vu le jour. L'autre, notre plan B, qu'on a peut-être mis moins de temps, c'était quelque chose de beaucoup plus senti terre à terre, c'est que un petit gars, 10-12 ans, va dans une espèce de camp de pêche à l'été, puis trouve quelque chose de secret avec une autre petite fille, puis c'est plus sweet. Plus Miyazaki-esque. Ouais, autour de ça. T'avais essayé de faire de l'aquarelle, mais c'était un peu... On n'a pas eu assez de temps. Exact. Ouais. Mais bref, pour ce premier projet-là, ça a été un refus. Et c'est ça, on était au moins deux, trois autres amis à essayer de participer, puis on s'est tous fait tasser. Ouais. Puis ça c'est tough, man. Puis je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais quand tu te fais refuser dans un projet, moi, j'ai bien de la misère à le lire après, parce que j'arrête pas de comparer les projets qui ont été édités avec ce que nous, on a soumis. Oui. Puis ça me gâche le fun de lecture, tu sais. À la place de faire comme, c'est intéressant, c'est différent, je fais comme, c'est bien moins hot que nous autres, ou, nanana, tu sais, puis j'aime pas ça penser de même, j'aime pas ça avoir. Tu sais, je pense pas que tu peux comparer l'art ensemble, tu sais, c'est tellement subjectif que je peux pas dire qu'est-ce qui est meilleur que quelque chose d'autre. Mm-hmm. Mais, fait que je les ai lus à peine, j'ai juste lu quelques extraits que toi tu me pointais, genre justement celui de Viviane, ou. Mais j'ai pas ces BD-là ici. Ouais. Non, moi aussi, j'ai... Tu regardes la main, puis je partage un peu ce que tu dis. Le processus de sélection, je crois que c'était la moitié des gens du milieu, puis la moitié des gens comme invités plus ou moins dans le milieu. Ouais. Ce que je me rappelle, c'est que pour l'année sur la pêche, tu avais dans le jury, je pense, la directrice artistique de TVA Publications. Ouais. Fait qu'on s'entend que c'est pas nécessairement BD, mais... Exact. Bon, fait que c'était... C'est pas le... Ouais. Fait que c'était moins un peu légitime, je dirais, comme processus de sélection. Puis ça demeurait plus... concours. Ouais. Mais tu sais, you lose some, you win some. Ouais. Tu sais, moi, on l'a fait, puis on l'a pas fini. Découragé. Mais non. L'année suivante, c'était sur la bouffe, la gastronomie. Ouais. Puis ça aussi, je trouve que tes planches sont super belles. On s'est fait refuser aussi. Ouais, ça, man, c'était... intense. Ça, ça, je pense qu'on voyait trop pour un cipage puis un grand public. Là. Ben, de un, c'est que moi, quand j'ai fait ça, j'étais dans un mode très Jack Kirby. C'est Jack Kirby, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le co-créateur des Avengers, en gros. De Captain America, Thor, Hulk et tout ça. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un... L'homme dans l'ombre de Stanley. Ouais, l'homme dans l'ombre de Marvel, en fait. Ben, pas tant dans l'ombre que ça, parce qu'il est quand même très célébré, là. Mais il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Puis lui, était il avait une réputation d'un gars qui faisait 8 planches par jour. Ce qui est impossible. Personne ne fait ça. Mm-hmm. Mais lui, il le faisait. Puis moi, je me suis dit que moi, tout, je suis capable. Puis je me suis donné comme défi de faire une BD de 28 pages, je pense, en une semaine. Mais c'était pas notre projet. C'était Golden Gate Riot. Ah, ok, tu faisais ça en même temps. Et le deadline était le même pour le truc de... Oh, crap. Ouais. Fait que entre deux pages de Golden Gate Riot, pendant une nuit blanche, j'ai fait... Tu faisais ta couleur. Shit. Ouais, exactement. J'ai fait les deux autres pages. Puis c'était en couleur, c'était super complexe. Puis j'ai essayé de me donner au bout pour les décors, pour les costumes, pour la recherche, réussi, tout. Fait que ça, là, c'était une semaine intense. Faire une BD de 28 pages en une semaine et demie, je pense, une dizaine de jours. Là, ouais, mais ça, c'était après. Moi, j'ai le souvenir que quand tu me racontais tes faux Comic-Con, c'était peut-être pas la fois de Pop Gun, c'était pas la fois qu'on était ensemble, mais toi, tu voulais te vendre à quelqu'un puis dire ah, mais je suis capable de faire 5-6 pages par jour, puis le gars t'a tout de suite checké. Non, non, non, pense à ta santé, pense à la qualité, puis ouais. Rush pas. Là. C'est malade, ça. C'est Eric Koh, qui est le fondateur du studio Udon, qui ont maintenant un gros partenariat avec Capcom. Ouais, ben ils ont pas commencé justement à faire des licences, des franchises. Exactement. Ouais. Puis. Puis maintenant, tu sais, c'est eux qui font les HD remakes des jeux 2D, puis qu'importe. Puis c'est Eric Koh qui m'avait dit, j'avais dit ça, je peux te faire deux pages de même par jour, tu sais. Puis il m'avait checké dans les yeux, puis il a dit ça, tu dis jamais plus ça à un éditeur de ta vie. Puis c'était raide, puis tout, puis il m'a dit, c'est ça, tu sais, ça, c'est le genre de pitch naïf qu'un kid va faire, mais c'est très, ça manque beaucoup de professionnalisme de dire ça, parce que justement, tu estimes ta santé, puis la qualité du travail, tu dis jamais ça. Ouais. Puis je me suis bien repris, puis je l'ai fait rire. J'ai fait non, mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que j'ai pas de day job. C'est ça, ma job. Fait que je fais ça à temps plein. Puis il est parti à rire, il a fait comme ok, check, t'es intéressant, tout, c'est cool, voilà mon email. Puis j'ai jamais soumis de quoi. J'étais comme super intimidé après, j'étais comme fuck. Mais c'est une belle leçon de vie. Ouais. Fait que finalement, tu l'as pas. Dire à un éditeur, mais tu l'as fait avec Golden Gate. Puis, ouais, mais c'est ça, tu peux le faire, mais dis-le pas. Mais, puis encore là, Golden Gate, c'est un autre apprentissage. T'as pas vraiment participé. Ben, t'as fait la. J'ai fait la traduction. Ouais, fait, la correction. J'étais pas dans le dans le processus créatif de script. Mais juste petite parenthèse, les traducteurs aussi peuvent donner une autre vie, une autre couleur. Puis il y a des prix qui récompensent les traductions littéraires. Fait que c'est pas simplement un travail mécanique. Ben, savais-tu que le traducteur de Stephen King qui traduit ses livres en français, c'est un de ses amis proches, puis genre ils discutent au bout ensemble. C'est pas comme quelqu'un d'un bureau qui a jamais parlé. Là. C'est vraiment genre ils vont s'appeler, faire comme là, t'as écrit ça, c'est quoi le sens de ta phrase, puis. Je sais pas si ça a gagné des prix dont tu parles, mais je me suis fait dire que les traductions des livres de Stephen King étaient excellentes. Ok. Mais bref, c'est ça. Fait que t'as quand même un peu contribué à ça. Mais j'ai appris beaucoup de ça sur la constance. Sur une BD, ce qui est important, c'est pas nécessairement le niveau de qualité du dessin. Mais c'est que la première page et la dernière page se passent dans le même univers. Qu'il n'y ait pas genre une page une fois de temps en temps qu'on dirait qu'elle était plus faite plus vite ou une case qui a été comme beaucoup plus travaillée. Ou rendu là, si t'as pas de constance, ben c'est ça ta constance. C'est de jamais en avoir. Comme un peu La Grande Illusion ou des BD d'Ashley Wood que c'est all over the place, que tu vas avoir une peinture, puis après ça un petit sketch fait au plomb sur une napkin. Mmh. Mais aussitôt que t'essaies de. Avoir comme de rester dans les mêmes barèmes, c'est vraiment important que tu débordes pas parce que dans Golden Gate Riot, malheureusement, il y a beaucoup de pages que je suis très fier, qui sont super belles, mais à cause de certaines autres que j'ai faites un petit peu plus rapidement, ben c'est eux qui pop. Oui. Fait que c'est eux qu'on en remarque. Mm-hmm. C'est les pages pas belles qu'on en remarque, c'est pas les belles. Mm-hmm. Puis ça, c'est juste à cause que il manque de constance, manque de fluidité, puis de. Tu le remarques quand c'est pas beau. Mm-hmm. Fait que ça, on a beaucoup appris de ça. Et ça a servi à quoi après? Ouais. Puis, mais là, avant, juste avant, que parce que là, c'est, évidemment, je fais référence à plus nos derniers trucs. Oui. Mais on a fait de quoi d'autre avant? Oui. Ben avant, je dirais, juste pour terminer avec le Glenna, moi, on se connaît depuis longtemps, on est amis, on a fait. Toi, t'as travaillé avec d'autres gens. Que ce soit BD ou illustration. Ouais. Moi, j'ai pas. Je suis aucunement fermé, mais je trouve qu'on travaille bien. Fait que j'ai pas eu vraiment beaucoup d'opportunités à travailler avec d'autres gens. Ouais. J'ai travaillé avec une autre artiste pour le. Encore une autre fois pour Glenna, pour le concours. Toi, rendu là, t'étais de la merde, là, je te carré. Ouais. Puis elle, c'était très. Comme quasiment de la peinture, là. C'était pas. C'est qui l'artiste? C'était Marie-Pierre. Ah oui, c'est vrai! My God! Puis c'était hot que vous aviez fait. Ouais, ouais. Ah, c'est-tu que c'était hot? Ouais. Fait que très. Beaucoup plus authentique comme dessin ou comme naturel? Spontané, genre. Non, pas spontané, mais façon de travailler là, sur planche directe. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Puis là, c'était Forêt et Bûcheron. Ouais. Je pense que c'est le dernier qu'ils ont fait. Puis c'est ça, on n'a pas été retenus, malheureusement. Mais c'était très bien de collaborer avec une autre personne. Ouais. Puis, ça, j'aimerais tellement ça voir faire une histoire complète avec quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Je suis sûr que je suis très prêt au bout. Là. Ouais. Mais c'est ça, j'ai eu la chance de. Pour cette année-là, Jimmy Beaulieu était sur le jury. Okay. Puis dans un événement, après avoir appris qu'on n'avait pas été sélectionné, j'y ai demandé. Puis il se rappelait du projet, puis lui était « Ah, ouais, c'est cool. » Mais que les autres autour, c'était « Non, c'est trop manga, ça vendra pas, next. » Fait que c'était pas super. Ouais. Fait qu'après ça, je pense que moi et toi, on s'est dit « Fuck off, là, on n'a pas besoin de concours, puis tout ça, on a comme réalisé, comme dans le passé, qu'on peut en faire juste pour nous, puis se faire du fun, puis c'est ça qu'on a fait. » Exact. Ouais. On est revenu aux sources. Oui, oui. On a-tu... Parle un petit peu. Mais je passerai vite là-dessus. Ouais, ouais, bon, on va passer vite, on va quand même le dire. Ouais, ouais, parce que c'est quand même cool. Mais en fait, je pense qu'on a fait crap avant ça. Oui, parce que. Ouais. Fait qu'on est revenu aux sources. En fait, je vais juste parler de ça avant. Ok. Enfin, ce que j'ai dans les mains, c'est le collectif Montréal-Lyon. Donc, ouais. une œuvre. Un partenariat, en fait, entre les deux festivals BD de Montréal et de Lyon. Ouais. Et c'est ça, dans le fond, ça... la version imprimée date de 2013, mais on remonte un an avant, parce que c'était pour le premier festival BD en 2012. Puis c'était sous forme de blog sur Internet avant. C'est seulement qu'un an après que la version papier est sortie. Ouais. Fait que c'est ça, c'était une brochette d'artistes montréalais et lyonnais. C'était des deux pages... qui racontait une petite partie des villes respectives. Ouais. Puis nous, on est les seuls à être un team scénariste, tout ça, parce que scénariste, illustrateur, parce que c'est quand même assez court. Ben oui, deux pages. Ouais. Fait que c'est ça, nous, c'est une BD dans le métro, puis c'est encore, c'est inspiré pour moi d'un fait vécu un peu quand j'étais plus jeune, quand j'étais venu visiter mon frère, que c'était nouveau, c'était grand pour moi. Puis on était à Berry-UQAM, je pense. Puis je te la donne. Ouais. Et puis, on attend le métro, il y a plusieurs gens sur le quai. Puis une personne échappe un objet, je pense que c'était un... Peu importe. Et puis mon frère me regarde, puis il me dit « Regarde, tu vois, c'est ça Montréal, tout le monde regarde, puis personne ne fait rien. » Puis ensuite, il est allé remettre l'objet en question à la personne pendant que tout le monde regardait tout ça. Ouais. Fait qu'on a un peu repris ça. Puis la deuxième planche, c'est une grosse plage pour montrer la diversité. Où on voit Benoît Mercier. Ouais. Caché. qui qu'on voit d'autre? Personne. Bizarrement, c'est pas une de mes BD préférées, ça. Ouais. Mais en même temps, c'est deux pages, Carlis. Ouais. On s'entend que c'est comme quasiment plus faire acte de présence d'un party. Ce que je veux dire, ok, ça avait l'air super prétentieux. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux pas full développer puis t'introduire puis te présenter. Non. C'est plus comme tu passes quelque part, tu fais comme hey, salut, puis tu t'en vas. Ouais. C'est ça que je voulais dire. C'était pas dans le sens. Faire partie du projet, puis. C'est ça. Exactement, ouais. Exactement. Ouais. Ça a peut-être mal sorti, mais ouais, c'est. Mal sorti. Ça a mal sorti. Mais ça m'arrive souvent, ça. Ça rentre bien, là. Ça rentre en dessous, mais ça sort mal. Fait que non, très chouette projet. Puis là, on a fait une des BD qui, pour moi, a tout changé. Ouais. Qui est Crap. Ouais. Qui est un petit fanzine. Qui est un 8,5-11 pieds brochés en deux, auto-publié par nous-mêmes. Ouais, et très... Très cheap. Très autodidacte. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi, je pense que l'idée m'est venue quand... Ben, c'est ça, je pense que c'était pour la foire exposine. Ouais. Mais rappelle-moi, l'année d'avant, est-ce qu'on est allé juste avec Only Right? Il me semble que oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait qu'étant allé là, on a vu, puis je pense qu'après ça, c'est peut-être moi qui t'ai lancé comme défi, on fait un truc original pour exposine. Ouais. Puis moi, j'ai accepté tout de suite. Ouais. Puis j'avais été au... À Ape. Oui, oui. par des gens que tu as rencontrés au Comic-Con. Exact, qui est le Alternative Press Expo à San Francisco. Et j'avais acheté un fanzine, justement, exactement le même format, plié broché, par Mickey... Hey boy, je me rappelle plus de son nom. Puis je trippais là-dessus parce que c'était spontané, c'était jeté, c'était punk, c'était trash. Quand elle faisait des erreurs, elle barrait ça, puis elle redessinait par-dessus. Mmh. C'était vraiment genre rafraîchissant, puis très, très punk. Puis en même temps, il y avait toutes les BD qui sortaient de La Mauvaise Tête, qui avaient un espèce de feel aussi, genre très... quasiment jazz freestyle. Là, t'sais. Il y avait quelque chose de genre qui sortait vraiment de ce qu'on faisait. T'sais. Mmh. Puis j'étais comme, Chris, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça essayer de faire ça, t'sais, comme quelque chose de complètement différent, qui met beaucoup plus d'avant-plan le storytelling et l'histoire que... Mmh. De vouloir briller par le dessin, contrairement à ce que je faisais, mettons, dans Pop Gun, où c'est que je voulais épater la galerie. Ouais. Là, ici, c'est l'histoire et le storytelling, la vedette. Ouais. Je t'arrête. Puis il y a un caméo de Simon Chénier là-bas. Ouais. Tu me permets que je t'arrête puis qu'on aille en musique un petit peu? Ben oui. Ouais. Comme on parle de nous, et comme on s'excuse pas, moi j'ai un projet musical du nom de Mood. Fait qu'on va aller écouter une pièce de ça. Et pour ceux qui se demandent, notre petite intro qui a l'air d'un vieux PlayStation qui ouvre, ça c'est aussi un autre extrait d'une pièce comme ça. Fait qu'un projet de musique électronique autodidacte. Alors on va écouter Fleeing Country. Fait que, je pense que je l'ai toujours présenté comme ça, crap et grit, qu'on vous parlait dans un instant. C'est le terme approprié, je crois que c'est brut, c'est direct. Ouais. Puis toi, c'était ton idée de le faire tout croche. Ouais. Mais ça t'a pris quand même un temps d'adaptation de comme réapprendre à être tout croche. Ça a pris 10 pages. Ouais. Tu vois qu'au début, là, je le fais tout croche, mais je sais pas jusque où aller. Oui. Puis à un moment donné, ça, je me lâche lousse, puis là, ça pète, puis là, je suis comme, OK, non, c'est vrai, c'est demain que je vais faire ça. Puis, tu sais, c'est pour moi, là, c'est vraiment la page 9 que ça commence. Là, je me lâche lousse. Tu as commencé à être à l'aise, à ouais. pas corriger les trucs. Puis, il faut le dire, ça a été fait, cette BD-là, c'est une BD de 50 pages. Oui. Que ça, j'étais extrêmement content parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. C'est-à-dire une histoire... Aussi longue, complète, j'allais dire, à long déploiement. 50 pages quand même, t'as le temps de raconter puis de faire évoluer les personnages. Mm-hmm. Puis c'était monté un peu à la structure quasiment à Pulp Fiction, c'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires en parallèle qui se rejoignent. Il y a plein de petites histoires qui convergent toutes à la fin. C'est ça. Oui. Puis c'est assez grossier, c'est assez dévergondé. Ouais, c'est crap. C'est crap. Ouais, ouais. Et ça a été fait de ma part, le dessin, environ en 2 ou 3 jours. Fait que c'était presque une vingtaine de pages par jour. Mm-hmm. Puis que technique que tu utilises encore, dans le fond, tu découpes des 8,5-11, tu fais 2 planches. Par ça, puis après ça, on les numérise et on fait un petit montage, puis on envoie ça chez l'imprimeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une petite citation au début de la BD, toujours. Ouais. Ils sont signés, numérotés aussi. Pas signés, ils sont juste numérotés, en fait. Ah, oui. Puis la petite citation dans Crap, c'est « Si c'est pas punk, c'est pas bon ». Et ça vient de Gauthier Langeon. Ouais. Puis je pense que c'est ça, man. Moi, toi, tu dis brut, moi, je dis punk. C'est du punk rock, ça. Ouais. Les paroles de Gauthier sont éloquentes et indéniables. Et même indélébiles. OK. je suis pas sûr que je la pointe, celle-là. Oui, et avec ça aussi, on a... Moi, j'aime beaucoup le côté personnalisé. Comme tu as dit peut-être à d'autres épisodes, que pour mes amis, je fais des emballages spéciaux, personnalisés, des collages comme ça. Ouais. Puis ça l'a aidé à faire en sorte que la BD sorte du lot et soit plus facilement identifiable. C'est qu'on a refait le lettrage du titre, dans le crap, au liquide correcteur, pour que dans le fond, il y a du. Tu sais, la couverture est pas. Le papier est de couleur, mais il n'y a pas de couleur imprimée dessus. Oui. Puis en mettant le liquid paper sur le titre, ça fait du blanc qui ressort, fait que ça pop. Oui, oui. Puis aussi une autre scène plus loin, peut-être aux 3/4 de la BD, où on a mis de la couleur à la main pour rehausser une scène. Fait que Dominique, t'aurais pu être crédité comme coloriste dans cette BD. Ouais. à une main. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, on les a reçus de l'imprimeur, on a fait ces petites modifications-là à la chaîne, les numérotés, puis c'est toujours bien intéressant. Mm. Puis on s'est tout de suite dit, parce que c'est ça, faut pas oublier qu'on est arrivé à l'Exposum. Oui. On a quasiment tout vendu la première journée. Oui, on avait fait imprimer 50. C'est ça, puis on a, je pense, vendu 25 ou 26. C'est ça, je les avais pas tout apportés, croyant qu'on allait en vendre une dizaine. C'est ça, puis on a quasiment tout vendu la première journée. Ouais. Deuxième journée, on a apporté le reste et on a été sold out. Le dimanche, on n'avait plus. Oui? Je suis pas mal sûr. On était comme fourrés, genre. Ah non! Non, je pense que parce qu'on l'a fait réimprimer, mais c'est ça, je pense que la première run... je t'avais juste fait 35. C'est ça. C'est ça, fait que là, on n'avait plus. Ouais. C'est ça, puis je me rappelle, on en a vendu comme une vingtaine en première journée. Ouais. Fait que là, on était dans la marde. Mais en même temps, une crise de belle marde. Puis en même temps, ça nous a dit comme, qu'est-ce qu'on leur fait l'année prochaine. Ouais. Fait que l'année d'après, c'est toi qui es arrivé avec une autre histoire. Ouais, en fait, je peux. Vas-y. Je peux dire que c'est un peu la faute. Lui, il va dire que c'est à cause, mais c'est de la faute un peu, parce qu'au spécial Noël mystérieux, notre ami Julien Paris-Sorel avait fait un petit segment des bandes dessinées qu'il anticipait. du futur dans ses coups de cœur. Et puis, lui, sa demande cachée, c'est de voir une BD seulement avec deux des personnages qui sont dans Crap, c'est-à-dire deux adolescents, jeunes adultes qui font du skate. Ouais. Fait que je suis parti de ça. Puis aller dans une toute autre direction. Ouais. Et fait que, autant que la première histoire est un peu trash et absurde et all over the place, là, c'est ça, il y a beaucoup de trucs qui s'entrecroisent, il y a des zombies, on voit une vulve se faire lécher par Simon Chénier. Ouais. Et dans le 2, c'est beaucoup plus... C'est pas un 2. Non, c'est pas 2. C'est pas des suites, c'est tout le temps des œuvres à part entière. Mais dans notre deuxième fanzine... Oui. C'est un peu un what if, parce que chronologiquement, ça marche pas au niveau des années. Ouais. Mais ça s'appelle Grip, et c'est vraiment, ça se passe en 95. Et là, on suit les deux skateurs transposés dans un mode adolescent. Ouais. Autour de 15 ans, à l'école secondaire, et puis beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus senti. Avec juste... En tout cas, j'aime croire que c'est juste le bon niveau de référent culturel, ouais. Rétro. Puis on n'a pas misé là-dessus. Je veux dire, tu peux pas faire une bonne histoire juste en disant que ça se passe en 95, puis en montrant l'intro Fresh Prince. Puis... Ouais. Et ça, man... On ouais. dit ça... Ouais. On a caché une petite affaire, je pense, justement, le référent le plus obscur. Ouais. C'est qu'il y a la... que les personnages qui sont dans la même pose que la pochette du premier album de Weezer. C'est ça, c'est qu'ils s'en vont au local de musique. Ouais. Puis c'est les quatre gars sur la pochette bleue de Weezer qui sont là. Tout super à l'aise. Ouais. Puis pour vrai, si ça se peut que vous le voyez pas, là. C'est très, très, très subtil et c'est très mal fait aussi. Fait que... Ah non, et le prof de musique, c'est clairement mon père, hein, en passant. Ouais. Puis, ouais. Ça, là, ce que tu tiens dans les mains, Doom, je pense que c'est une des BD que je suis le plus fier. Oui? Ouais. Après ou avant, pendant que tu la faisais, qu'est-ce qui t'a fait embarquer? J'ai eu crissement du fun pendant que je la faisais. Ouais. Parce que c'est ça qui est le fun pour moi, même ce processus-là, c'est que... Ça va tellement vite que ça avance, puis qu'à la fin de la session, t'as 15 pages dans les mains. Ouais. Ça fait comme shit, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. C'est comme deux, trois scènes. Exact. Puis c'est tout le temps focusé sur l'histoire, fait que ça va super vite, puis c'est gratifiant au bout. Okay. Puis contrairement à notre processus antérieur, que quand c'était plus des petites histoires, moi je te faisais découpage en bas d'un millimètre, là c'est un 50 pages plus garoché. Ouais. Fait que c'est un script juste avec des indications de texte. Ouais. Comment tu arrives à faire le découpage, puis comment tu transposes ça en image? C'est ça, c'est que dans le fond, comme on l'a mentionné l'autre fois, c'est que c'est extrêmement détaillé, tes scripts que tu me donnes. Oui. Il y a beaucoup de références visuelles, etc. Oui. Fait que moi, je lis une scène, puis je la fais. Okay. Fait qu'il n'y a pas de l'étape des storyboards avant, il n'y a pas l'étape du crayonné, c'est direct à l'encre sur des 8,5-11 coupés en deux. Mm-hmm. Je me fais à peu près une place pour les dialogues. Souvent, je vais marquer le texte avant de faire la bulle, évidemment. Mm-hmm. Puis c'est tout. Fait que c'est brut. C'est punk, puis c'est let's go. Okay. Fait que t'as pas fait une plage, une planche, puis à un moment donné, t'as dit « Ah, fuck, faut que je la refasse. » Ça m'est arrivé, je pense, une fois de vraiment faire une grosse erreur. Des fois, on voit qu'il y a du liquid paper, puis je pense que c'est arrivé juste une fois que je me suis vraiment trompé dans le sens de qu'est-ce qui se passait. OK. Puis j'ai juste collé de quoi par-dessus. Là. Mais ouais, c'est pas mal ça. Pis ça, c'est une des BD que moi, j'ai eu énormément de commentaires positifs parce que je pense que le thème va rejoindre beaucoup de monde de notre génération. Oui, absolument. Et aussi, le style, il est très... c'est très emo. C'est très introspectif. C'est très personnel. Okay. Ben, c'est la maladresse et l'inconfort de l'adolescence sans être dans le gros cliché ratatata. C'est ça. Mais on dirait... Puis ça, je me l'ai fait dire souvent. Oui. On dirait que c'est une autofiction. T'sais. On dirait que c'est... Ça nous est arrivé pour vrai. Ouais. OK. On dirait non seulement que c'est juste une personne qui l'a fait, mais que c'est quelque chose qui est arrivé pour vrai. Là. Ouais. C'est quoi le terme que je cherche, c'est tout? Autobiographique. Autobiographique, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, ça ne l'est pas pantoute, même que c'est loin, nous autres. On a jamais fait de skate, puis, tu sais. Puis, en fait, pis c'est ça, on t'a pas déjà dit avant de que les gens remarquent que c'est deux personnes, que c'était ils pensaient que c'était qu'un auteur. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Vu que c'était tellement ça aussi. C'est ça. Ouais. Fait qu'en fait, pour mettre les choses au clair, c'est que de la fiction. Il y a seulement qu'une petite référence que moi j'ai vécue. Ouais. C'est qu'à la fin, c'est pas vraiment un punch, là, parce que, en tout cas, à la fin, il y a un des deux protagonistes qui s'est blessé en faisant du skate, puis il y a une jambe dans le plâtre. Moi j'ai pas fait de skate, c'est du Super GT. Puis je me suis cassé une jambe, puis ça m'est arrivé à l'école de me faire embarrer le temps d'une pause, puis que les gens riaient de moi. Ça, man, c'est malade. C'est pour ça t'sais, que t'es je en suis biking, comme ça. T'sais. T'as une jambe dans le plâtre, tu te fais embarrer pendant un récré, genre, c'est dégueulasse. Ouais. Hostie. Et on a été finaliste. Ouais, c'était une super belle surprise inattendue. L'organisme Promo 9e Art qui fait un bon bout de chemin pour diffuser et épauler tout le monde qui travaille dans le milieu de la BD au Québec. Ouais. Récompense les œuvres à chaque année. Puis là, depuis 3 ans, c'est dans le cadre du Festival BD Montréal. Ouais. Fait qu'on a été très surpris et très touchés. Moi, je parle personnellement, d'avoir été nominé comme meilleur ouvrage dans la section BD indépendante. Ouais, c'est très hot. Ouais. C'est très hot d'avoir été nominé. C'est très cool, mais on n'a pas gagné. Moi, je m'y attendais. Là. Le prix a été dit à Carlos Santos, ben, comme on m'a dit à notre épisode de Ninja Scroll. Ouais. Mais quand même, une très belle accolade. Mais ce qui est hot, man, c'est que on fait tellement pas ça pour ça, man. Non. C'est ça, là, c'est même pas pour avoir des contrats, c'est même pas pour montrer au monde, c'est vraiment pour nous deux qu'on fait ça. On fait ça exactement pour la même raison qu'on fait le podcast, tu sais. Ouais. C'est pour créer de quoi ensemble, puis genre continuer à voir ça évoluer, tu sais. Ouais. Fait que c'est hot que ça se ramasse dans des places que le reste du monde aussi trippe avec nous autres, puis on est comme, ok, cool, tu sais. Ouais. C'est un peu, si on remonte en arrière, c'est le. La même raison pourquoi on a commencé, pourquoi on a fait notre BD de médiéval poche avec des filles au gros tonton. Exact. Mais tu sais, c'est ça qui me fait capoter, c'est parce que en recheckant ça puis en se replongeant dans l'époque de Forgotten Tales, je me suis rendu compte que mec, il y avait des affaires similaires à qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui encore. Évidemment, tes scripts. On a tous les deux évolué, j'espère. On a évolué il y a 17 ans, 18 ans entre les deux, tu sais. Ouais. Mais. On fait ça pour nous deux, pour le fun. Moi, je dessine des pages directes. Il n'y a pas de sketch en tour, il n'y a rien. Puis c'est nos trips à la table. Ouais. C'est vraiment, on le fait avec cœur, puis on le fait pas avec autre intention que de se faire du fun. Ouais. Puis God damn it, ben ça devrait être ça, man. Ça devrait être ça la raison pourquoi on crée des affaires. T'sais. Hein, c'était mouvant, là. Ouais, c'est dur à suivre. J'ai une anecdote, justement, je l'avais avant le dévoilement des prix BDList, donc au dernier Festival BD Montréal. Ouais. On avait fait réimprimer parce qu'on était pratiquement en cours de copie. Et puis, j'étais à la table de Front-Froid, puis il y a un monsieur dans la quarantaine, j'imagine, qui est venu, puis qui feuilletait des trucs, puis quand il est arrivé à la grip, feuilletait un peu, il a fait... grosse baboune, m'a remis ça, puis c'est enfantin. Fait que moi, j'étais comme quand même professionnel, là. Ouais. Pardon. J'ai tout croche, même le texte, il n'est pas écrit correctement. Puis, OK, je l'ai laissé aller, mais regarde, on est en nomination. Fait que... Mais oui, man, puis tu sais, c'était très drôle. On fait pas ça pour toi, man. Merci, monsieur. Oui, merci, monsieur. est-ce que. Puis là, c'est ça. Là, après ça, on s'est dit, on en fait une à chaque année. Ouais. On va tout le temps faire ça. Moi, je veux qu'on fasse ça le reste de notre vie si, si c'est possible. Fait que là, on est sur notre troisième. Oui. Qui va être extrêmement différent. Mais c'est exact. Ça va rester à la vie. Puis moi-même, ça me surprendrait pas qu'un jour, on fasse une fucking BD médiévale avec des filles, des grosses boules. Là, qu'on en revienne à ça. Ça me surprendrait même pas, man. Parce que là, on s'attaque tout le temps à des styles différents. Là, c'est sûr que dans la forme, moi, je trouve qu'on on s'est campé puis on sait comment travailler. Oui. Mais après ça, dans les sujets, dans comment on veut approcher ça, ça, c'est, ça reste là. Ouais. Tu sais, bon, le monde nous appartient. Ouais. Là, on dit qu'on explore, qu'on essaye toujours des choses différentes, mais on a quand même nos dada à nous, je veux dire, nous. Moi, c'est plus le personnage les plus sentis. Ça va être ouais, autour de ça. Ouais. Je me rappelle que quand on l'a eu imprimé, Grip. Puis peut-être une couple de jours après l'exposition, on parlait déjà de notre prochain, genre. On parlait déjà, genre, qu'est-ce qu'on fait pour l'autre? Puis les deux, c'était clair qu'on voulait s'en aller d'une autre direction. On savait pas où, on savait pas quoi, mais on voulait s'en aller à l'opposé. Puis tu veux-tu en parler un peu? Oui, absolument, absolument. C'est ça, juste dire que c'est ça, on va mettre toute l'information au fur et à mesure, puis toi, tu vas mettre des sketchs, puis sur ton Instagram et tout. Ouais. Mais juste. Exposin, comme c'est il y a tellement de productions qui se font rapidement, puis pour l'événement, que ça demeure un milieu quand même très stimulant. Ouais, même s'il y a beaucoup de hipsters. Ouais, moins qu'avant, par exemple. Ben, il y a beaucoup de hipsters qui achètent genre des macarons en bois. Ouais. Mais man, écoute, regarde, rendu là, man, chacun son. Ouais, t'as pas le droit de bitcher la créativité de quelqu'un d'autre, man. Ouais. Puis en plus, ça vendait au bout. Fait que, même si nous autres, on trouve ça cave, il y a quelqu'un d'autre qui trouve ça cool, puis qui va sortir ça d'un party, puis qui ça va faire rire du monde. Puis t'es rendu là, man. Ouais. Mais c'est juste que moi, je suis d'accord que c'est le mandat à la base d'Exposine, c'est d'avoir une production imprimée. Ouais. Fait qu'il y en a qui servent de ça, d'avoir juste un petit. Affaire pour mettre des autres macarons à côté. Ouais. Fait que y a de tout pour tout le monde. Ouais. Puis c'est là qu'il y a les plus belles filles. Je m'excuse. Dans toutes les fucking conventions, man, le Comic Con, oublie ça, man. Si tu penses qu'il y a des belles filles au Comic Con, oublie ça, man. L'exposin, moi, je tombe en amour à peu près aux 5-10 minutes. À peu près, man. Puis on parle de genre la femme de ma vie, là. Je viens de la voir passer, puis je suis comme, oh my god! Pis il m'achète jamais mes BD, c'est-tu? Ça marche pas pour moi, ça. OK. Maybe one day. Fait que t'as vraiment le réflexe de Jizz in my pants à chaque fois, là? Non, c'est vraiment plus romantique, là. J'imagine qu'on fait du camping pis tout, là. Oh, wow! Ouais, c'est ça. C'est pas genre, je tombe en amour, je veux te fourrer, c'est genre, veux-tu passer... Puis des aventures avec Ouais, c'est ça. OK. Genre, faire un road trip... la voir dormir à côté de moi pendant que je chauffe le char pis j'écoute du fucking Calexico, je sais pas, là, n'importe quoi. Là. Fait que c'est dur émotionnellement, ça. Ah, c'est très, très intense. C'est très intense. Une chance que t'es là pour me rappeler qu'on se fait du fun. Puis aussi... Sinon, man, je suis comme... tout est au ralenti puis je suis comme ultra mélancolique. Là. Mais non, on se fait beaucoup de fun, puis on fait des... Aussi, moi, je fais des demandes spéciales. Oui. On jase tout le temps au monde qui sont avec nous autres. Oui. Même les tables autour de nous autres. Mm-hmm. C'est le seul événement donc, du type... C'est vraiment comme un salon du livre alternatif, là. Ouais. On peut le dire comme ça. Ouais. C'est le seul événement de genre que les auteurs auteurs peuvent consommer de l'alcool, consommer de la bière, qu'ils vendent sur place. C'est vrai, on boit tout le temps. Fait que... On s'est jamais saoulé pendant... Non, mais c'est ça relaxe. Ben, puis c'est ça, parce que moi, ça m'est arrivé juste une fois dans ma vie d'être chaud pendant une convention. Ouais. C'est crissement pas le fun. Non. C'est crissement pas le fun, parce que de un, c'est pas un mood party. C'est un mood social, c'est vrai, mais t'es pas sur le party. Et, tu sais, t'interagis beaucoup avec des gens que tu connais pas. Mm-hmm. Des gens du milieu que tu vas voir dans d'autres contextes professionnels. C'est ça, puis, tu sais, faut que tu fasses des dessins et tout, souvent, pour les fans ou du monde de même. Fait que là, t'es un peu chaud, tu commences à dessiner sloppy, c'est comme... Tu sais, je dis pas que j'étais sur la grosse brosse, là, mais tu sais, un petit peu trop cocktail, là, genre, c'est plat. OK. Tandis que le hangover, pour moi, ça fonctionne très bien. J'aime mieux arriver là, hangover. Avec le dimanche midi. Ouais. T'es en mode. Ouais. Fait que, écoute, ça serait cool de se voir cette année, les gens. Ouais. Venez nous parler. Si vous écoutez la cave, là, venez nous voir, man. Ouais. Team Doom et Jake. Mais on n'a même pas parlé de c'est quoi notre prochain projet. Ouais. Fait qu'on retourne aux sources d'animé. Ouais. Animation japonaise. Ouais. De robots géants. Ouais. Et. C'est dit que pour pogner avec les hipsters, il fallait mettre des chats. Des chats et des triangles. Des chats et des triangles. Ouais. Mais en gros, recette très simple. Donc, c'est un groupe d'ados qui pilotent des robots géants pour se battre contre des gros méchants, des gros kaiju. Ouais. Qui, pour que le robot fonctionne, il faut qu'il pilote en synchronisme avec un chat qui est plugué au quartier général. Ouais. Fait que c'était ça mon pitch, puis toi t'as fait. Yes, Doom, yes! Mais parce que moi, j'ai longtemps voulu faire une espèce d'hommage, soit aux Power Rangers, ou à Evangelion, ou, tu sais, moi, ça fait partie de ma vie, ça, les histoires de robots géants puis de mecha. Ouais. Puis j'ai jamais eu l'opportunité de le faire, puis en même temps, je sais que je vais pas, tu sais, comme, dédier ma vie à ça. Mm-hmm. Mais il me manquait la raison pourquoi le faire. Puis là, tu l'as fait. Puis là, j'étais comme, oh my god, c'est parfait, c'est hot. Ouais. Puis là, j'ai lu le script. Puis là, j'ai vu ça embarquer. Puis là, j'ai comme fait, holy shit, que ça va torcher. Ouais. On s'est lancé un défi spécial. Crap et Grip sont 50 pages. Ouais. Celui-là, on veut qu'il soit 100 pages. Parce que c'est fucking géant, c'est épique. Je dis pas que les autres après vont tout le temps être 100 pages. Ouais. Même si ça serait. Ce serait quasiment cute que ce soit le seul à 100 pages. Oh, oui, oui. Évidemment, c'est. Moi, je sais que ça n'aura pas la même réception que l'autre d'avant. Non, on va pas aller toucher tout le monde. Non, c'est beaucoup plus niche, c'est beaucoup plus nerd, geek. Ouais. C'est drôle, j'ai été surpris que moi, dans mon processus, j'ai toujours dit et redit que c'est d'abord les personnages, puis je partais autour de ça. Ouais. Puis ça, c'est la seule fois que c'est pas le cas. Que c'était vraiment le concept, je voyais plus les scènes de combat détaillées, puis ensuite j'ai imaginé des personnages. Ouais. Donc j'espère, je pense pas que mes personnages sont unidimensionnels puis pas intéressants, mm-hmm. mais que c'était un peu à l'inverse pour ce projet-là. Ouais. Ben moi si, dans Grip, je suis tombé en amour avec un des personnages principaux qui est Marie-Pierre. Ouais. Marie-Pascal. Hey! Ben oui, je t'en demande, oui. Non, mais je me surpris moi-même. MP. Puis j'ai un peu le même feeling pour un autre personnage dans Oaken. Ah oui? Ouais. C'est ça, le titre, c'est Oaken? Oui, c'est ça. Oui. Oaken. Oaken. Qui faisait absolument rien. Non, ça veut rien dire. Qui a l'air très cool. Ou vous pouvez dire Zero Ken Zaibatsu! Que ça, c'est le sous-titre que je me fais dans ma tête. Parce qu'il faut le dire avec un call japonais épique. Là. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai hâte en tabarnak. Ouais, j'ai hâte. Puis on est exposé. Là, on enregistre le 28 octobre, ouais. Le soir. L'exposé, c'est 15-16 novembre. Ouais, c'est dans 3 semaines. Puis combien de pages t'as fait, Jake? Zéro! Oh! Mais écoute, je starte ça cette semaine, puis d'après moi, la semaine prochaine, c'est sur le bord d'être fini. C'est ça. Ben, si tu vois, si on compare aux deux autres, t'as fait 50 pages en 3 jours, ouais. Moyenne, fait que 6 jours. Ouais. Okay. Fait que tu sais, c'est. Puis je le sais que je serai pas full-time là-dessus, là, oh, ouais. Mais ça va être le fun en tabarnak, man. Ouais. Puis c'est juste, ça va être plus long à scanner, c'est tout. C'est ma job, ça. Fait que c'est ouais. Correct, là. Oui, parce qu'il faut le dire, on collabore jusqu'à la dernière minute, même jusqu'à la fin. À la fin de production, moi je commence à numériser, puis toi tu fais les 6 dernières pages. C'est ça, puis on écoute de la musique en même temps, puis on jase, puis c'est vraiment des... Je suis content de faire ça avec toi. Bon moment, oui. Ouais. Même si, sur la couverture de Grip, la première édition, t'avais pas écrit mon nom correctement. Ouais. C'était pas cool. Dominique, c'était Domingue. Il manquait un I, man. Ouais, ouais. Domingue Carrier. Je vais essayer de travailler Puis, mon assurance qualité. On avait fait une autre faute à l'intérieur aussi. Ouais, parce que pour Grip... oui, c'était Ian Malco. C'est ça. Pour Grip, la citation, c'était... That is one big pile of shit. De Dr. Ian Malcolm. De Jurassic Park. Exact. Puis j'avais oublié le M parce qu'on était, je sais pas, man, on était stressés. On était ça. Ben c'est mieux oublier ça que d'autres. C'est plus important dans BD. Là. Oui, oui. Mais, oui. Fait que ça se peut qu'il y ait des erreurs. Oui. Mais tu sais, on vit avec puis on s'excuse pas. Exact. Oui. Je pense que j'avais déjà mentionné dans un autre podcast, mais il y a quelqu'un, la blonde à Jean-Michel Bertillon, oui. avait reconnu des quartiers que c'était à Lévis. Le collège, oui. Ouais. Fait que moi, mon rêve, là, tu sais quoi, man? On fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, man. On en fait ce que, je sais pas, man, pendant 10 ans, pendant 15 ans, j'ai aucune idée. Mais tu vois, ça, c'est la réalisation après le Glen à Québec qu'on peut en faire pour nous, pour le fun. Ouais. Mais là, on n'en fait pas exposer, mais là, on peut. On va se botter le cul puis en faire d'autres, là. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je te dirais que pendant les deux prochaines années, je suis déjà booké, là. Ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'on peut pitcher. Puis le truc que, justement, on parlait de. Du truc de pêche, là. Ouais. Qui allait chier. Ça, on pourrait se réessayer. Ouais, absolument. Absolument. Pour faire ça. Ouais. Mais sinon, je veux dire, honnêtement, là, si toi, mettons, tu pognes une gig d'écrire une BD avec un autre artiste, puis tu gagnes ta vie avec ça, mm-hmm. je vois pas pourquoi on continuerait pas à faire un fucking fanzine une fois par année, tu sais. Non, ça c'est. Puis si c'est juste ça, notre collaboration, moi, je suis aux anges. Arc, qu'est-ce que c'est là, tu comme. Hey man, je suis aux anges. J'ai écrit aux anges. C'est dégueulasse, quoi. J'ai entendu une autre expression, man. On n'a pas la coupe au bec. Fait que faut pas célébrer aucun suite parce qu'on est loin de la coupe au bec. C'est pas la coupe aux lèvres? La coupe aux lèvres, c'est ça, la coupe aux lèvres. Ah, oh, boy, c'est okay. Lettre en tabarnak. Bon. Fait que. Venez nous voir, man. J'ai fait de la recherche sur des chats. C'est pas juste mais t'as non. un chat puis un chat. Là, non. Ouais. T'as plusieurs types de chats. Comment que tu dessines ça. Ouais. Ouais. Moi, je fais de la grosse recherche présentement sur des mechas pour essayer que ça soit unique et original. Et... Ton défi, présentement, je pense que ça va être de le transposer dans un style simplifié. Un style simplifié que tu vas pouvoir faire plusieurs pages sans te t'arracher les cheveux. Ouais. C'est là-dedans que je suis. Hein. Parce que, évidemment, tu sais, designer un univers de science-fiction avec des robots géants, mm-hmm. des laboratoires, des machines qui n'existent pas, des kaijus qui n'existent pas, mm-hmm. c'est beaucoup plus de temps de recherche et de design que faire ça d'une polyvalente en 95, une époque qu'on connaît full, puis que, tu sais, je ouais. sais comment les gens sont habillés, je sais les corridors d'école, ils ressemblent à quoi, ouais. tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas la même job de pré-prod, mais. Mais une fois qu'on va être parti, man, ça va y aller ouais. ça va y aller en crise. Ouais. Ben hâte. Ouais. Ben hâte pis ben content de faire ça avec toi. Mm. Moi tout, man. Fait qu'est-ce qu'on dit au monde de venir nous voir pis qu'on arrête ça? Ouais. Je pense que oui. Fait hein. que, ben, Exposine, 15-16 novembre, c'est à sous-sol de l'église, près du métro Laurier. Ouais. On va mettre toutes les informations, on va vous mettre des... Les production reports. Ouais, exact. On va mettre pour vous montrer un peu le processus créatif en même temps. Ouais, puis, ouais. Ben, c'est ça, man. Fait que merci d'avoir écouté. C'était cool. Ouais. Puis, on va exposer. Ouais. Et venez nous dire que vous écoutez à la cave. Puis, on va vous faire des high five secrets. Ça, on va vous faire un rabais de 500. On va vous donner 500 à chaque personne qui écoute la cave. Fait qu'on s'en va en musique ouais. avec quelque chose pour te motiver, c'est toi. C'est ça, ma toune de motivation ultime. Et c'est le thème de Gurren Lagann. Je me rappelle pas de qui. Allez checker ça sur Wikipédia. Ok, bye, on se voit la semaine prochaine. Salut. この声が闇に虚しく吸い込まれた